Oh, maman, je n'ai plus d'espoir, dit Hortense. Et sans pouvoir retenir ses larmes, elle tendit à sa mère une revue des beaux-arts. Madame Hulot aperçut une gravure du groupe de Dalila par le comte de Steinbock, dessous laquelle était imprimée « Appartenant à Madame Marneff ». Dès les premières lignes, l'article, signé d'un V, révélait le talent et la complaisance de Claude Vignon. « Pauvre petite, » dit la baronne. Effrayée de l'accent presque indifférent de sa mère, Hortense la regarda, reconnut l'expression d'une douleur auprès de laquelle la sienne devait pâlir, et elle vint embrasser sa mère à qui elle dit « Qu'as-tu, maman? Qu'arrive-t-il? Pouvons-nous être plus malheureuses que nous ne le sommes ?»« Mon enfant, il me semble, en comparaison de ce que je souffre aujourd'hui, que mes horribles souffrances passées ne sont plus rien. Quand ne souffrirai-je plus ? Au ciel, ma mère ! » dit gravement Hortense. « Viens, mon ange, tu m'aideras à m'habiller. Mais non, je ne veux pas que tu t'occupes de cette toilette. Envoie-moi Louise. »